بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الدعوة السلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter شرح تلخيص صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. إذا جاء الأثر بطل النظر. cours dispensé en direct de InSpeak par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji حفظه الله. cours numéro 21 الركوع l'inclinaison. On demande à Allah Azza wa Jal qu'elle soit profitable pour l'islam et le musulman. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تابع أثارهم واكتفى أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. donc inshallah on procède par là. Révision du cours précédent qui tourne autour des récitations qu'il fallait faire à voix haute ou à voix basse. Et quel est le cas de la manière de bien lire le Coran, de le lire clairement et d'une voix distincte. Et quel est le cas le fatha al-imam, c'est-à-dire de corriger l'imam lorsqu'il fait une erreur. Quelles sont les prières dont la récitation doit être à voix haute? Celle du subh, les deux premières rak'ah, du maghrib al-isha. Il faut restreindre la Isha et le Maghrib aux deux premières rak'ah. Car dans, les deux, dans la troisième du Maghrib et la troisième et quatrième du Isha, quand même, c'est à voix basse qu'il faut lire. Connaissez-vous le dalil qui prouve cela? Al-Ijma'a. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il nous a apporté l'Ijma'a qu'il était le consensus de l'imam al-Nawawi. Rahimahullah ta'ala, il nous a dit qu'ils sont tous unanimes sur le fait que les cinq prières, ou plutôt les prières que vous avez évoquées, as-subh, les deux premières rak'ah du Maghrib et du Isha doivent être faites à voix haute. Et ça, c'est recommandé. C'est une chose qui est recommandée de faire. Al-Jum'ah, la récitation doit être faite à voix haute ou à voix basse? À voix haute. Naam, à voix haute. Naam, ahsantum kullukum ajma'un. Elles doivent être faites à voix haute. Quelle est la preuve de cela? Qu'est-ce qui nous prouve que le Jumu'ah doit être, ou l'arrestation doit être à voix haute? Le compagnon qui a rapporté que le professeur Assam lisait. Naam. Kadalika, donc ils ont forcément entendu. Naam. Ils ont rapporté ce que le prophète lisait. Naam. Le fait qu'ils ont rapporté ce que le prophète lisait est parmi les sunnah. Naam, el-A'la, là, dans le Jumu'ah. El-Jumu'ah, c'est el-A'la, wesh, al-Ghashiya. Ou, tu dis, al-Munafiqun, ou al-Jumu'ah. Si je ne me trompe pas. Naam. Même ça, c'est la sunna dans la récitation du Jumu'ah. À Maqaf, on va voir, Inch'Allah, c'est l'Aïd. Tu lis le Qamar, Maqaf. Et la preuve, comme vous avez évoqué, Annie, c'est que les compagnons ont rapporté ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait en détail. Donc le fait qu'ils ont rapporté, c'est qu'ils ont forcément entendu. Et qu'à dans les cas, il y a un Ijma'. Al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il a apporté l'Ijma' sur cela, qu'il était préférable et recommandé, qui fait partie de la sunna d'élever la voix pour le Jumu'ah. العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى هي une divergence à ce sujet-là. Une divergence. Tamam, ou la vie sahih, c'est que la voix, il faut que la voix soit élevée, la récitation. Tamam, خالف في ذلك, ceux qui ont divergé, c'est qui? الحسن البصري وسفيان الثوري وكذلك من نعم إبراهيم النخعي. Ils ont dit que c'était pas qu'il fallait lire à voix basse. Lakin, comme on a pu le voir, le fait qu'ils ont réussi à ramener les compagnons, ce que le prophète a solennisé, ça nous prouve que Nabi Sallam il a élevé la voix à voix haute, comme il a dit, l'arrestation à voix haute, comme il a dit. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, fil irwa. Tam al-istisqa, si vous vous rappelez, kathalika, n'am, kathalika à voix haute. C'est le même jugement. Et ça, bilijma. Naqalahu ibn Battal, wa kathalika man thun ibn Abd al-Barr. Ces deux personnes, ces deux imams nous ont apporté le consensus, l'unanimité des savants qui sont tous unanimes ou plutôt d'accord qu'il faut le faire à voix haute. Al-Kusuf, la récitation du Kusuf, elle est pareille, elle doit être faite à voix haute. Lakin, est-ce que c'est les savants sont tous unanimes à ce sujet-là ou pas? Non, ils ne sont pas tous unanimes. C'est quoi l'avis prépondérant? Comme vous avez dit, c'est que tu dois élever la voix. Le hadith qui nous prouve cela, hadith Aïcha, dans lequel elle a dit qu'un Nabi sallam yani jahara bi sawtihi fi salat al-kusuf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a élevé la voix pendant la salat du kusuf. Donc ceci nous prouve que yani ce hadith là yani en vérité il n'a pas lieu. Il annule cette divergence en vérité. Il n'y a pas lieu d'avoir cette divergence car le hadith il est clair, net et précis sur ce sujet là et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a fait qu'une fois le kusuf. Ce n'est pas une chose qu'il a répétée. Et pendant sa prophétie, c'est une chose qu'il a fait qu'une fois. Donc le fait qu'Aïcha nous rapporte cela, le hadith est rapporté par un musulman, donc on doit faire précéder ce hadith-là à tout autre argument. Et comme on a dit, les deux premières de Salat al-Maghrib et l'Isha. Ensuite, il y a les salawat dans lesquels il faut lire à voix basse, ou il est recommandé de lire à voix basse. Quels sont ces salawat-là? Essayez de me les ramener, si vous pouvez. Toutes les salawat que vous connaissez, auquel la lecture, la récitation doit être faite à voix basse. Non, c'est l'huître, on va le voir, Inch'Allah. L'huître, ça rentre dans la voix basse et la voix haute. Lakin, qabla hadha, avant cela, non, on parle que celles qui sont faites à voix basse seulement. C'est pas tout à fait faux. C'est pas tout à fait faux. Lakin, on veut celles qui sont faites, yani, spécialement à voix basse. الظهر العصر les deux dernières rak'a du Maghrib et de l'Isha et salat al-janaza ahsanta participant 7. Donc c'est ça, yani al-dhahr wa al-'asr, tamam, et les deux dernières rak'a, tamam, la troisième rak'a du Maghrib, la troisième et quatrième rak'a du Isha, les savants sont tous unanimes à ce sujet-là. Ils sont tous unanimes que comme l'a évoqué l'imam Nawawi, que la lecture doit être faite à voix basse. Amma al-janaza, yani, il nous ramène Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, que yani, il ne connaît de divergence à ce sujet-là. Il ne connaît aucun ulama alim qui a pu dire qu'on peut élever la voix pendant salat al-janaza. Qu'est-ce qu'il en est du athar d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma annahu jahara bil qira'a fi salat al-janaza? Quelle est l'authenticité du hadith d'Ibn Abbas dans lequel il est dit qu'il a élevé la voix pendant salat al-janaza? Non, c'était sans doute pour enseigner Tabam. Donc c'est ça l'interprétation de ce athar, comme l'a dit l'imam Ahmed rahimahullahu ta'ala, rahmatan wazi'a. Il nous dit quoi? Il nous dit que yani, ceci était pour enseigner aux gens ce qui doit être lu pendant salat al-janaza et non pas afin d'informer aux gens qu'il est légiféré d'élever la voix ou la récitation pendant salat al-janaza. Tabam. Et comme on a pu le voir, ensuite yani, il y a des salawats dans lesquels tu peux élever la voix et dans des salawats ou laquelle dans des salawats tu peux élever la voix comme tu peux la baisser, comme vous avez pu l'évoquer le huître, tu peux élever la voix et la baisser, comme cela a été rapporté de Abdullah ibn Abi Qais radiyallahu ta'ala anhu iqiyam al-layl. Le huître, yani les ulama yutliquna alayhi biqiyam al-layl. Le huître, tu peux dire que c'est un qiyam al-layl en lui-même. Au qiyam al-layl c'est pareil, que tu dis qiyam al-layl le huître, c'est la même chose. Mais le witr, c'est plus spécifié pour la dernière rak'a qui a été faite au dernier moment de la nuit. Sinon, le witr, c'est comme un qiyam, c'est la même chose. Et ce qui nous prouve cela, comme on a dit, Hadith Abdullah ibn Qais, radiallahu ta'ala anhu, qui a questionné Aïcha radiallahu ta'ala anha sur la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la prière de la nuit. Elle lui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait de temps en temps, avec yani, une voix, en élevant la voix et de temps en temps en baissant la voix. Il dit كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم تارة رفع صوته وتارة خفض صوته. الحديث اللي rapporté par Abu Dawud est authentifié. On a pu voir aussi qu'à Zalikan, dans l'arrestation, lorsque tu crains une mafsada, un mal sur ta arrestation, ton insulte, Allah, son prophète, ou le dîn, tamam, qu'est-ce qu'il a demandé à l'imam de faire, comme c'est le cas dans les pays où l'islam n'est pas instauré, réciter à mi-voix, c'est-à-dire juste au milieu, afin que ceux qui ont de la répulsion pour la récitation du Coran n'insultent pas le Coran, et afin que ceux qui sont derrière toi puissent profiter de la lecture du Coran et qu'ils n'en soient pas privés. Comme cela a été rapporté par le hadith de qui ? Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui nous a interprété, ou plutôt expliqué le verset, « وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا » T'as-même, il n'élève pas ta voix, et ni tu la baisses, mais cherche entre cela et cela, entre ces deux manières de réciter, t'as-même un juste milieu, afin que, comme il est expliqué, afin que le mushrikoun, ou plutôt ceux qui ont la répulsion pour le Coran, n'insultent pas le Coran. Et ceux qui sont derrière toi puissent profiter de la lecture du Coran. Le hadith est muttafaqun alayh. Yani, quelle est la manière tamam, qui est demandée et qui est imposée lorsque la personne, qu'est-ce qui lui est imposé de faire lorsqu'il lit, tamam, afin que sa récitation soit conforme à celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire. Qu'est-ce qui lui incombe de faire? Qu'est-ce qui est obligé? Donner le droit à toutes les lettres. Bien prononcer sans manger les mots. En donnant son droit à chaque lettre. Naam, hada huwa. Tu donnes le droit. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Kima qala Nabi sallam. Donne à tout chose qui a un droit à son droit. Et le droit de ces lettres-là, c'est qu'elles soient sorties de la bonne manière, d'une manière claire, tamam, distincte, et que les mots ne soient pas mangés. Tamam. Les mots ne soient pas mangés. Ça, c'est ce qui est wajib. Qu'est-ce qu'il en est quand tu as la lecture en tajwid? Le fait de jawad, le fait de faire du tajwid dans l'arrestation, est-ce une chose obligatoire? Quand même, c'est une chose qui est recommandée. Ça fait partie de quoi? Non, très recommandé. Non, parce que ça fait partie des choses qui vont embellir ta voix et Allah subhanahu wa ta'ala ne prête pas. Ou plutôt Allah subhanahu wa ta'ala n'écoute pas une chose comme il écoute tamam, d'un prophète qui récite le Coran d'une belle manière, tamam, en embellissant sa voix. C'est-à-dire, il est en psalmodiant. En psalmodiant. En faisant du tajwid. Tamam. Et le fait d'embellir sa voix, donc ça fait partie de la sunna. Qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man lam yatanna. Celui qui n'embellit pas sa voix lors de la récitation du Coran, il ne fait pas partie des nôtres. Il nous a dit que la lecture du Coran, le fait d'embellir, ça ne doit pas empiéter sur le fait que tu le fasses d'une manière qui est innovée. Tamam, comme c'est le cas des personnes qui se chargent à eux-mêmes des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiférées. Comme c'est le cas de certains lecteurs qui se tiennent les oreilles jusqu'à se gonfler les veines jugulaires et devenir tout rouge, ils bougent dans tous les sens, ils se tortillent et tout ça. Bon, tout ça, c'est pas. Naha Nabi sallam an takalluf. Nabi sallam l'a interdit de se charger des choses qui n'ont pas été légiférées. Donc on doit rester naturel dans la lecture. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, tamam, essaie de l'embellir. Tamam. Sans pour autant faire des choses que. Te charger des choses qui ne sont pas légiférées. Tamam, quand le cas, le fait de lire d'une manière, tu fredonnes, on aurait dit que c'est de la musique. Tamam. Il nous a dit, quand le cas, pour finir la révision, que c'était possible, lorsque l'imam est chamboulé dans sa récitation, tamam, et que toi tu connais, ou il est bloqué dans sa récitation, l'entraide est demandée, c'est-à-dire que tu dois l'aider et lui dire, il y en a le verset qu'il a oublié, ou bien le verset sur lequel il s'est trompé, tamam, afin que la lecture poursuive. Tout ça, ça fait partie de la sunnah. Qala yushra at-taqassud, ou yani an yataqassad al-fath ala al-imam idha urtila alayhi. Si jamais il est bloqué dans sa récitation, tu dois l'aider en lui indiquant le verset. Tamam. Ou bien alors, la personne, si elle ne sait pas, ou bien elle sait qu'il s'est trompé, allez. Il lui est légiféré de dire quoi? Subhanallah. Et les femmes, elles tapent dans les mains. Mais les hommes, ils disent Subhanallah. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Fainahu, il a dit Subhanallah, il tafata. » Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Le fait de taper les mains, d'applaudir, c'est pour les femmes. Et le fait de dire Subhanallah, c'est pour les hommes. » Donc, hakada, si jamais tu veux, informer l'imam qui s'est trompé, ou bien qu'il soit une arme qui s'est trompée ou quelque chose qui doit être rectifié, la femme doit dire subhanallah, taper des mains, et l'homme dit subhanallah. Inch'Allah, nabda fi ad-dars al-yawm al-jadid. قال رحمه الله تعالى الركوع donc le fait de se courber dans la salah, c'est-à-dire le fait que tu fasses un ruku', une inflexion, inclinaison, j'ai une inflexion, on va dire inclinaison, c'est bien. T'as même un ruku', donc le fait de s'incliner pendant la prière. Al-Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala, il nous dit un ruku', donc c'est le fait de s'incliner, d'incliner son dos, c'est le fait d'incliner son dos pendant la prière. Et ce qui est voulu dans ce ruku', c'est d'immensifier la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de le vénérer. Comme c'est le cas de l'inclinaison qui est faite à certains grands de ce bas monde, comme c'est le cas de certains rois, certains présidents. Lorsqu'ils veulent l'honorer, ils s'inclinent un petit peu. Ça, c'est une chose qui n'est pas autorisée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala après la venue du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tamam. Donc il y en a dans le verset qui est évoqué dans les parents de Youssouf, lorsqu'ils se sont jetés en se prosternant. Certains ont dit c'est pas la prosternation celle qui est née de poser son front à terre, mais c'est le fait de s'incliner, al-inhina, parce qu'ils utilisaient le terme se prosterner pour une chose qui est quoi, pour l'inclinaison. Mais ça c'est une chose qui était légiférée à l'époque de la législation de Youssouf alayhi salam, à main d'un autre. Législation fait, c'est une chose qui est interdite. Tamam. La tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamari wasjudu lillah, qala Allah subhanahu wa ta'ala. Wasjudu lillah. Inclinez-vous pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça rentre dans aussi kadhalika, l'inclinaison, parce que l'inclinaison, c'est une forme de sujoud, c'est une forme de prosternation. Donc il nous dit, al-ruku' c'est l'inhina, c'est-à-dire d'incliner son dos, tamam, tout en le faisant pour vénérer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il nous dit, Cheikh Al-Uthaymin, dans cette position-là, dans cette posture, dans l'inclinaison, il y en a tu ressens, il y en a que la personne veut vénérer, la personne pour laquelle il s'est incliné, pour la personne qui s'est inclinée. وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ أَمَّا الرُّكُوعَ فَعَظِّمُوا فِيهَا الرَّبِّ. Il nous dit, Cheikh Al-Uthaymin, voilà pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, quant au ruku', il y en a vénérer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, afin que tu vénères Allah azza wa jal par ta langue et par tes membres. Tu vénères Allah subhanahu wa ta'ala par ta langue, c'est-à-dire en le faisant, en vantant sa grandeur, en disant Subhana Rabbi al-Azim, et Kazalika, de vanter sa grandeur par tes membres, c'est-à-dire en te mettant de manière inclinée. Il nous dit, Rahimahullah ta'ala, yani Sheikh al-Albani, فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَ سَكَتَ سَكْتَةً لَطِيفَةً بِمِقْدَارِ مَا يَتَرَادُ إِلَيْهِ نَفَسُهُ. Il nous dit, lorsqu'il a fini de lire, donc on a fini le chapitre de la lecture, on rentre dans un nouveau chapitre qui est l'inclinaison. Il nous dit, lorsqu'il a fini la lecture, tamam, la personne qui prie doit marquer un temps d'arrêt. Tamam, marquer un temps d'arrêt très bref. Tamam. بِمِقْدَارُ مَا يَتَرَادُ إِلَيْهِ نَفَسُهُ. Il y en a d'une pause afin qu'il puisse reprendre son souffle. C'est-à-dire, lorsqu'il a fini de lire, il reprend son souffle et après son souffle, comme on va le voir, il va en recours. Il va en recours. Ama, le fait de marquer un temps d'arrêt entre le ruku' et la lecture, comme on a pu le voir, si jamais la personne le fait, de manière à ce qu'il laisse le temps à ce que aux personnes qui sont présidées, afin qu'ils puissent finir la lecture de l'Fatiha, comme on a pu le voir, à travers le texte de Sheikh Al-Albani, à travers les énoncés, à travers ce qu'il a pu dire, c'est une chose qui est innovée. C'est une chose qui est innovée, qui ne fait pas partie de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lakin, si jamais il t'est donné l'opportunité de pouvoir lire, dans ces moments-là où certains imams marquent un temps d'arrêt afin que tu puisses lire le Fatiha, donc il t'incombe de lire le Fatiha comme on a pu le voir. Mais le fait de le faire, c'est une chose qui n'est pas à faire. C'est une chose qui n'est pas à faire car rien ne prouve cela dans la sunna et ni dans le kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de se taire, que ce soit un temps d'arrêt qui est court ou bien un temps d'arrêt qui est long, rien n'a été évoqué ou plutôt a été authentifié dans cela. Il est venu un hadith d'après rapporté par Abu Dawood, rahmatullahi alayhi et autres, selon Samurata ibn Jundub, radiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kana yaskutu saktatain idha dakhala fi salah wa idha faraha min al-qira'a bi fatihat al-kitab. Dans ce hadith-là, il nous est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam marquait deux temps d'arrêt pendant la prière. Le premier temps d'arrêt, c'est lorsqu'il rentrer dans la salah, c'est-à-dire lorsqu'il faisait le takbiratu al-ihram, la chose par laquelle tu rentres dans la salah, comme on a pu le voir, le takbir de l'ouverture. Et le deuxième temps d'arrêt qui disait qu'il marquait, c'est quand Yani il lisait, après qu'il ait fini la lecture del Fatiha. Lakin ce hadith-là, c'est un hadith qui n'est pas authentifié. Toutes les turuq, c'est-à-dire toutes les versions du hadith qui ont été rapportées, parce que comme j'ai dit, ça a été rapporté par Abu Dawud et autres, tous, elles viennent de qui? De Hassan al-Hassan al-Basri. Ce grand imam, ce grand salaf, rahmatullahi alayhi. Lakin, al-Hassan al-Basri, il n'est pas connu qu'il ait entendu de qui? De Samura ibn Jundub. De Samura ibn Jundub. Il a entendu un seul hadith de ce sahabi, et c'est un hadith qui est relatif à l'aqiqa. C'est un hadith qui est relatif à l'aqiqa. Donc, lorsque tu vois que al-Hassan al-Basri, il rapporte un hadith de Samurata ibn Jundub, ce grand et cet éminent sahabi, si jamais ce hadith-là n'est pas le hadith de l'aqiqa, tu peux juger de ce hadith-là qu'il est daïf, comme l'a dit Al-Hafid ibn Hajar, rahmatullahi alayhi, d'autres, parmi les huffaz, parmi les historiens, ceux qui sont impliqués dans la science du jarh wa tahdil, ils ont pu évoquer cela et dire que Al-Hassan al-Basri, il n'a jamais entendu de Samura ibn Jundub excepté un hadith. Donc ce hadith-là qui a été évoqué, c'est un hadith qui n'est pas authentique. C'est un hadith qui n'est pas authentique dans cela. Donc on ne peut pas prendre de ce hadith-là pour faire un jugement et dire qu'il faut marquer un temps d'arrêt entre la lecture et le ruku'. Entre la lecture et le ruku'. ثم قال رحمه الله تعالى إن دي بمقدار ما يترد إليه نفسه. Il dit lorsqu'il s'arrête, ce temps d'arrêt doit être d'une mesure à ce qu'il lui est permis de reprendre son souffle. Ça, ça a été une chose qui a été évoquée de qui? De Ibn Qayyim, rahmatullahi alayhi, comme l'a évoqué Cheikh Al-Albani, rahmatullahi ta'ala, dans son livre, Yani Sifat al-Salat al-Nabi, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. C'est-à-dire le texte dans lequel a été puisé le résumé, le mutawassit. Donc, Yani, à partir du moment qu'on sait que Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait cela, ou plutôt, ça n'a pas été authentifié du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc yani le fait que tu intentionnes volontairement de marquer un temps d'arrêt après ta lecture, en pensant que tu es en train de faire pour cela une sunnah, ça c'est pas légiféré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Comme l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, laissez les choses comme je vous ai laissé. C'est-à-dire, si jamais le prophète il l'a pas fait, fais pas. S'il a fait, fais-le. Si tu as une preuve pour cela, fais-le. S'il a pas fait, ça fait partie de la sunnah. De ne pas faire ce qu'il n'a pas fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que si jamais maintenant, de manière naturelle, sans vouloir par cela faire une chose que tu penses que c'est la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire naturellement, après que tu as fini la lecture, tu veux reprendre ton souffle pour dire Allahu Akbar pendant le rukou, tu n'as pas intentionné par cela, par ce temps d'arrêt, par le fait que tu as repris ton souffle, de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est tout à fait normal. Il est tout à fait normal à la personne de reprendre son souffle. Il ne faut pas comprendre qu'il faut, qu'il ait dit, même si le hadith est daif, ça ne veut pas dire par cela que la personne s'est interdite à reprendre son souffle, à reprendre son souffle, mais elle n'intentionne pas de vouloir par cela faire une sunnah, car ça, ce n'est pas une sunnah, ça n'a pas été authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال رحمه الله تعالى ثم يرفع يديه على وجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام. Il dit ensuite après cela, après qu'il ait fini la lecture, donc il doit faire, lever sa main, comme il dit, comme on a pu le voir dans le takbir de l'Ihram. C'est-à-dire, comme on a pu voir dans le takbir de l'Ihram, tu as deux manières de lever ta main. Deux manières de lever ta main. Si vous vous rappelez, qui peut nous rappeler des manières qui sont légiférées dans le takbir et l'Ihram, qui se rappelle de cela? Faire une petite révision. Lever jusqu'au lobe des oreilles. Bas des oreilles. C'est-à-dire que le bout de tes doigts, il arrive au bas des oreilles. Ou bien au niveau des épaules. Qui se rappelle de la parole d'Ibn Qayyim? Rahimahullah ta'ala. Qui se rappelle de la parole d'Ibn Qayyim? Il avait dit, si vous vous rappelez, si quelqu'un voit la réponse, il lève la main. Il a dit, c'est la même chose. Il a dit, c'est la même chose qu'on fait. Le fait que il dit en vérité ces deux hadiths-là, il y en a un hadith qui est venu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait levé la main. Il avait levé la main jusqu'au lobe. Et dans un autre, il a levé la main jusqu'à les épaules. Ibn Qayyim nous dit, le lobe, la version où il dit le lobe ou la version qui dit l'épaule, au fait, c'est pour dire que tu as le droit de faire lever ta main entre ces deux endroits-là. Il dit, c'est un même hadith. Lakin, ce qui est apparent, c'est qu'il y a deux hadiths. C'est que tu as le droit de faire à l'épaule et tu as le droit de le faire jusqu'aux oreilles. Donc ça, c'est une chose qui est recommandée. C'est une chose qui est recommandée. Naham. On a pu voir aussi qu'il y avait une sunna dans le fait de lever les mains, c'est-à-dire les doigts. On a vu qu'il y avait une sunna dans le fait de lever les doigts. Comment les doigts doivent être levés? Lorsque tu lèves la main, les doigts droits étendus, pas trop écartés, assez droits. نعم. يعني إذا جي النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده يعني مدن إلى وسما étendu. يعني ses bouts des doigts étaient étendus. يعني pour cela. Et le fait يعني pour qu'il soit étendu, تمام, et droit, c'est-à-dire que si jamais tu les écartes, ils seront peut-être tendus, là qui ne seront pas, يعني comment ça peut être comme des bâtons, ils seront pas droits comme des bâtons, تمام, ils seront il faut qu'ils soient, يعني le mieux c'est de les rapprocher, تمام, sans pour autant les coller. Celui qui les colle, pas de mal pour lui. Celui qui les décolle un tout petit peu, تمام, en laissant un petit espace entre les doigts, pas de problème qu'il y a dans les cas, il y a pas la sunna, c'est que les doigts ils soient droits et tendus. Est-ce qu'il faut les regrouper ou bien faut les écarter un peu? En tout cas, il faut qu'ils soient droits et soient tendus. Donc ça, c'est la sunna dans le fait d'élever les doigts et les mains pendant le takbir. Donc ça, c'est la même chose. Dans tous les takbirs, c'est la même chose. Ce qu'on a pu voir dans takbirat al-haram, c'est la même chose dans tous les takbirs qu'on va voir, inshallah. Dans tous les takbirs qu'on va voir. قال رحمه الله تعالى ويكبر وهو واجب. Il dit ensuite, il doit faire le takbir, c'est-à-dire dire Allahu Akbar, prononcer la formule de vénération et de grandeur d'Allah Azzawajal, comme on a pu le voir. Wahuwa wajibun, il dit, c'est une chose qui est obligatoire. C'est une chose qui est obligatoire. Ce takbir-là, dont Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, nous parle, il s'appelle takbiratu al-intiqal. Takbiratu al-intiqal. Il a été légiféré, afin que celui qui prie, يعني, il se déplace d'un endroit à un autre. Et afin que ceux qui soient suivis sachent que l'imam est en train de se déplacer d'un endroit à un autre pendant la prière. Donc ça, c'est le but pour lequel a été légiféré ce genre de takbir. Quant à son jugement, comme l'a évoqué Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, c'est qu'il est obligatoire. Celui qui le délaisse a exposé sa personne à être châtié yawm al-qiyamah. Et il aura commis un péché. Si jamais, je veux dire, il sera exposé même au châtiment d'Allah Azzawajal, si jamais il ne se repent pas. Et si jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne lui fait pas grâce de sa miséricorde. Quant à son jugement, comme on a dit, c'est une chose qui est obligatoire. Et ça, c'est l'avis qui est juste et prépondérant. Et il a été dit que c'est mustahab, c'est recommandé de faire cela. Et ça, c'est la parole de la plupart des ulama. La plupart des ulama, ils voient que c'est une chose qui est quoi ? Qui est mustahab, recommandé, et non pas obligatoire. Mais comme on va le voir, leur avis, il est faible. Leur avis, il est faible. Ils disent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont pris pour cela comme avis, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'il n'a pas ordonné celui qui ne savait pas bien prier, de dire « takbir » après pour aller en recours, ceci nous prouve que ça ne fait pas partie des choses par lesquelles se complète la prière. Donc il ne signe pas une obligation, sinon le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aurait ordonné à celui qui ne savait pas prier. Cet argument-là, il est faux, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a certes yani, ordonné au celui qui ne savait pas prier de lever la main, ou plutôt de faire le takbir pendant la prière, c'est-à-dire au moment où il veut au kadalika à l'enrukou. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min hadith Rifa' ibn Rafi' radiyallahu anhu annahu qala anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala li musia salata, celui qui ne savait pas prier, innahu la yatimu salatun li ahad min an-nas hatta yatawadda thumma yukabbir ويحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه ويقرأ ما تيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع. Ce hadith-là, il a été authentifié par Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, wa Cheikhuna Muhammad ibn Hizam, hafidhahullahu ta'ala. Donc dans ce hadith authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani wa Cheikh ibn Hizam, rahmatullahi alayhima, rapporté par Abu Dawud selon Rifa'a ibn Rafi', il dit, le prophète sallam a dit: sachez que la prière de l'un d'entre vous ne sera complète qu'à partir du moment où il aura fait le wudu, ensuite il aura fait le takbir, c'est-à-dire takbir al-ihram, le takbir de l'ouverture, ensuite il aura loué Allah subhanahu wa ta'ala et lui a fait après, ensuite il aura loué Allah azza wa jal et fait l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite il se doit de lire ce qu'il peut du Coran, c'est-à-dire al-fatiha et d'autres versets. ثم يقول الله أكبر. Ensuite, il doit dire Allahu Akbar. ثم يركع. Donc, ceci nous prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien évoqué à celui qui ne savait pas prier qu'il fallait qu'il dise Allahu Akbar lorsqu'il avait fini la lecture pour aller en recours. Donc, les personnes qui, ou plutôt l'avis de la majorité, n'est pas vrai. Il est faux. C'est même faussé par ceux. Barakallahu fikum, ce hadith-là. Mais c'est un argument contre eux. C'est un argument contre eux. Et quand le cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la prière, a dit ثم كبر. إذا كبر الإمام فكبروا. Dans tout le moment où l'imam dit Allahu Akbar, vous aussi dites Allahu Akbar. Une personne peut dire, donc si jamais on comprend bien ce que tu nous avais dit auparavant, comme l'a dit l'imam Ibn Rajab, tout ce qui a été énoncé et évoqué dans le hadith de celui qui ne savait pas prier, ça fait partie des piliers. Donc comment as-tu jugé du takbir al-ihram au takbirat al-intiqal, du parlant rukou, comment tu peux juger que c'est une obligation alors qu'il a été évoqué dans ce hadith-là, dans lequel les ulama sont tous unanimes que tout ce qui est évoqué dans ce hadith-là fait partie des piliers. T'as même la preuve qui nous prouve cela, ou bien qui dérive le jugement du pilier à l'obligation, c'est le hadith dans lequel il nous a été évoqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait oublié un jour dans la prière de faire le tashahhud. T'as même oublié de faire le tashahhud, et après la troisième raka'a, après la deuxième raka'a, je veux dire, avant de te lever pour la troisième raka'a. Il a oublié de le faire, t'as même à la fin, il s'est levé, ou plutôt à la fin, il a complété sa prière, ensuite il a fait la prosternation de distraction. Le ulama, ou plutôt l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, nous dit, le prophète sallam, il a délaissé, t'as même par distraction, le atashahhud. T'as même, il a délaissé par distraction, atashahhud. Et dans le atashahhud, t'as même, lorsque tu l'as fini, il y a le fait que tu dises Allahu Akbar pour te lever, pour aller à la troisième raka'a. Donc il nous dit, donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé tout cela. Il a laissé toutes ces choses-là. Et il a fini sa prière. Il avait fini sa prière. Donc il nous dit, ceci nous prouve que si jamais, il avait plutôt complété sa prière, ceci nous prouve que si jamais le fait que le takbir serait un pilier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne serait pas contenté de ramener la prosternation de distraction, mais il aurait recommencé la prière. Car comme on a dit, le pilier, lorsqu'il est autant, il aurait recommencé l'unité de prière, car le pilier, lorsqu'il est délaissé, il annule l'unité de la prière. Donc elle doit être recommencée. Et le prophète, il n'a pas recommencé cela. Donc ceci nous prouve, comme l'a dit l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, le fait que la prosternation de distraction a comblé le trou, le fait que tu as oublié le tashahhud dans lequel il y a takbir, ceci nous prouve que ce n'est pas un pilier mais une obligation. C'est-à-dire les hadiths qui ont été évoqués dans lesquels c'était un pilier, on prend le tashahhud pour dévier le pilier vers l'obligation. Donc celui qui le délaisse a commis un péché et exposé sa personne au châtiment envilissant d'Allah Azza wa Jal, lakin, ce n'est pas une chose par laquelle la prière est annulée. Certains ulama ont dit que la prière elle est annulée, lakin, wallahu a'lam, le fait qu'on sait que la prosternation de distraction a comblé cet oubli-là, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que barakallahu fikoum, ça n'annule pas la prière, wallahu a'lam. Donc c'est une obligation qui n'annule pas la prière si jamais elle est délaissée, même si elle est délaissée volontairement, mais lakin, ça prouve que la personne a un non-respect de la prière. Si jamais il fait vraiment volontairement, il délaisse ça vraiment volontairement, il dit, ou plutôt Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, yani, qu'il prenne garde celui, ceux qui rentrent en contradiction avec nos ordres. Donc qu'il prenne garde. C'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le plus miséricordieux, te met en garde contre son châtiment, tu vas trouver aucune personne qui va pouvoir te faire miséricorde. Donc il ne faut pas délaisser cela, il ne faut pas délaisser cela à Bedel. Il y a un hadith qui a été évoqué quand on fait d'élever la main pendant lorsque tu fais le takbir, lorsque tu vas aller en ruku'. Un hadith qui est da'if, qui est bon d'évoquer afin qu'on sache qu'il est da'if et afin qu'on sache que ceux qui auront comme argument de dire qu'on ne doit pas lever la main pour le takbiratul intiqal lorsque tu vas aller en ruku', on saura que l'argument, et plutôt leur position, l'argument, il est faible. Car ce sont basés sur un hadith qui n'est pas authentique, ou plutôt sur deux arguments. Le premier, c'est le hadith de Abu Daoud, rapporté par Abu Daoud, selon Al-Bara, radiyallahu ta'ala anhu, qui nous dit, na'am, qu'anna Rasulullah sallam kana yarfa'u yaday idha iftataha salat thumma la ya'ud. Le prophète sallam levait les mains lorsqu'il ouvrait la prière et il ne recommençait pas cela. C'est-à-dire il le faisait qu'une fois. Ce hadith-là, il est da'if, car il y a un rapporteur qui s'appelle Yazid ibn Abu Ziyad, et c'est quelqu'un qui est qualifié comme étant une mémorisation qui est faible. De plus, l'imam Ibn Hajar, Al-Hafid Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, nous a dit que le terme qui a été utilisé, ensuite il ne recommençait pas, et il dit ça c'est un ajout de ce rapporteur-là. Ce n'est pas la parole du professeur sallam, mais c'est un ajout de ce rapporteur. Quoi qu'il en soit, ce hadith-là, il n'est pas authentique, il est da'if jiddan. Et quand il est venu à Thar, d'Ibn Mus'ud, radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel il dit, « Annahu qala, ala usalli bikum salatan, ala usalli bikum salata rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, qala fa salla fa lam yarfi'a yadayn, illa fi awwali marra. » Il nous dit, ou plutôt il a été évoqué dans ce athar d'Ibn Mus'ud, qu'il a dit, « Voulez-vous que je vous montre comment prier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Donc, il a prié et il a levé la main dans la takbirat al-ihram, c'est tout. Il a juste fait le takbir dans la takbirat al-ihram, il s'est contenté de cela. Ce athar-là, ce n'est pas une preuve en elle-même. Même si jamais ça aurait été authentique, on aurait pu dire que c'est un effort d'interprétation. Et le hadith de Ibn Umar, qui est muttafaqun alayhi, c'est une hujja, c'est un argument qui doit être précédé à tout autre argument qui sont évoqués. Car le prophète, il a été dit, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو من كبي إذا افتتح الصلاة إذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع متفق عليه. تمام. Le prophète صلى الله عليه وسلم avait pour habitude de lever sa main, tamam, à la hauteur de ses épaules lorsqu'il ouvrait la prière, lorsqu'il faisait le takbir pour aller en ruku' et lorsqu'il s'est relevé du ruku'. Tamam. Donc ceci nous prouve que le prophète le faisait. Et ce hadith-là est متفق عليه dans les deux recueils qui sont les plus authentiques après le livre d'Allah Azza wa Jalla. Donc ce athar-là qui est daïf, et même si jamais il aurait été authentique, on n'aurait pas pu faire précéder ce athar-là à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ce athar-là, il a été qualifié de faible par les imams al-Bukhari, ibn Mubarak, et autres, il y en a parmi les grands imams de ce din. Rahmatullahi alayhim. Quant au moment qu'il faut lever, quand est-ce qu'il faut lever les mains, c'est la même chose qu'on a pu voir avec quoi. Donc qui peut nous rappeler parmi les participants à quel moment on peut lever les mains avec le takbir, avant, en même temps ou après? Tout cela fait partie de la sunna. Pendant, après et avant. Arsaltum ajma'in ou ajma'in. Donc c'est ça. La même chose avec takbirat al-ihram. Tu peux faire tout cela. Comme on va le voir, inshallah. Amma al-takbir, le takbir, il se doit d'être fait après la lecture et avant que tu sois en ruku', c'est-à-dire l'endroit où doit être fait le takbir, c'est pas pendant la lecture ou bien avant la lecture, après que tu as fini la lecture. À partir de ce moment-là, il est légiféré pour toi de dire et takbir. Jusqu'à quel moment? Jusqu'à ce que tu puisses aller en ruku'. Mais à partir du moment où tu es rentré en ruku', khalas, là tu es rentré dans une position dans laquelle le prophète sallam il disait pas Allahu Akbar. Le ruku', c'était ma'rouf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait des doigts qui sont bien spécifiques. Donc la personne qui dit Allahu Akbar et il veut aller de la récitation au ruku', lakin, comme on peut le voir chez certains imams, il dit Allahu Akbar lorsqu'il est en ruku', ça c'est faux, c'est une khata. Parce que ça s'appelle ce takbir, takbiratu al-intiqal. C'est le takbir qui va te permettre de te déplacer d'un endroit à un autre dans la prière, de te déplacer à un endroit, d'un endroit à un autre pendant la prière. C'est-à-dire qu'il doit être dit entre les deux mêmes endroits. Si jamais il est dit dans un des deux endroits, tamam, ils disent barakallahu fikum que tu dois faire sujud as-sahw. Tu dois ramener, comme on va le voir inchallah, tu dois ramener la prostration de distraction, car tu as ramené un dhikr et un takbir qui ne fait pas partie ou bien dans un endroit qui n'est pas légiféré. C'est-à-dire pendant que tu descends en ruku', tu peux le dire, mais quand tu es stabilisé, alors non. Non, c'est ça. Lorsque tu es en ruku', khalas, tu es dans la position de ruku', était interdit de dire Allahu Akbar, parce que ce n'est pas connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait le takbir lorsqu'il était en ruku'. Il nous disait les invocations qui ont été évoquées dans le ruku', elles sont bien ma'rouf, elles sont connues. C'est-à-dire lorsque toi tu as fini la lecture de l'Fatiha, ou plutôt de la sourate après l'Fatiha, à partir de ce moment-là tu peux dire Allahu Akbar pour aller en ruku'. Ou bien tu peux dire Allahu Akbar au moment où tu es en train de descendre, tu vois, ou un peu avant où tu... Avant d'être, comment ça s'appelle, en position de ruku'. Et ce qui est mieux, c'est de quoi? De le dire un petit peu avant que tu arrives au moment où tu es stabilisé en ruku', afin que les gens ne te précèdent pas dans le takbir. Tu ne te précèdes pas dans le takbir et qu'il y a des cas dans le ruku'. Parce que certaines personnes, ils vont dire juste après la lecture, Allahu Akbar. Et les personnes, peut-être, ils vont précéder l'imam. Donc, ça veut dire que toi, lorsque tu es presque arrivé en ruku', ça, c'est un conseil qu'on donne afin que. Les gens qui sont suivis, ceux qui sont présidés, ils ne te précèdent pas. Essaie de le faire un petit peu avant que tu arrives en ruku'. Et kazalika, comme on va le voir, en sujoud. Avant que tu arrives en sujoud, fais le takbir. Mais une fois que tu es en sujoud, une fois que tu es en ruku', tu ne dois même pas dire le ra de Allahu Akbar. Le ra de Allahu Akbar, il ne doit même pas être dedans. C'est-à-dire que tu dis Allah, tu arrives en ruku' et tu dis kbar. Tu le dis avant. Et dès que tu es en ruku', khalas, on ne peut plus entendre le alif, ni le kef, ni le ba, ni le ra. Non, Allahu Akbar. Jazakum Allahu khayran. Donc il faut faire attention à cela. Car on voit, il y a beaucoup d'imams qui ont du laxisme par rapport à ça. Et une insouciance. Tu les vois faire le takbir en plein sujoud. ou bien takbir en plein rukou. Ces personnes-là leur ont demandé de faire quoi? La prosternation des distractions. Parce que c'est, il a ramené un dhikr dans un endroit qui n'est pas lieu d'être. قال رحمه الله تعالى ثم يركع بقدر ما تستقر مفاصله ويأخذ كل عضو مأخذه وهذا ركن. Il nous dit Cheikh Al-Albani رحمه الله تعالى, puis après qu'il ait levé la main et qu'il ait fait le recours, ou bien s'il veut il fait le takbir, ensuite il lève la main comme on a pu le voir, il a le choix. Donc après cela, après avoir fait le recours, plutôt avoir fait le takbir, il doit faire quoi? Il doit aller en recours, il doit faire le recours, comme on a pu le voir, cette inclinaison dans laquelle il est une vénération qui est faite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit Cheikh Al-Albani, ceci fait partie des. C'est un rukn de la prière. Le fait d'être en recours, ça fait partie des piliers de la prière. Et ceci est prouvé par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle il dit Ya ayyuha alladhina amanur ka'u wastudu. Ô vous qui croyez, inclinez-vous. Et en effet, le recours. Et allez en soujoud, faites le recours et faites le soujoud. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné de faire le recours, comme il a ordonné de faire le soujoud. Donc le fait qu'il ordonne, ça fait partie, ça fait une de ces choses-là, c'est une obligation déjà. On est sûr et certain que c'est une chose, c'est une obligation, à partir du moment qu'il n'y a rien qui prouve le contraire. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا. Il a dit à celui qui ne savait pas prier, ensuite, et ni faire recours jusqu'à ce que tu aies apaisé en recours. Le hadith est muttafaqun alayhi. Wa kadhalika, il a ordonné le prophète, il a dit thummarka. Ça, c'est la forme impérative dans l'arabe, c'est ma'rouf. Ceci indique donc une obligation à partir du moment qu'il n'y a rien d'autre qui prouve cela. Et les imams Ibn Qudama, ou plutôt Ibn Abd al-Barr, al-Nawawi ou Ibn Qudama, ils ont rapporté les jama'a, l'unanimité, ou plutôt le consensus des savants, qui sont tous unanimes sur le fait que un recours, ça fait partie des piliers de la salah. Des piliers de la salah, comme on a pu voir le hadith précédent, il fait partie des hadiths de celui qui ne savait pas prier. Comme on a pu le voir, comme l'a dit l'imam Ibn Rajab, tous les énoncés de ce hadith-là prouvent que ces choses-là sont des piliers. Ces choses-là sont des piliers. Après, si jamais il y a quelque chose qui nous prouve le contraire. Il nous dit بِقَدَرِ مَا تَسْتَقِرُ مَفَاصِلَهُ. Il doit faire le recours, il y a de mesure à ce que yani ses os, toute l'articulation de son corps, yani elle soit stable. C'est-à-dire, comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, yani la yuqawwis dhahra. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de son dos comme si jamais c'était un arc. Il fait un espèce de pont. Et كذلك قال ولا يعني يهسره حتى ينزل وسطه. Et كذلك, il ne doit pas être courbé jusqu'à ce que son ventre, il descende. Donc il doit choisir le juste milieu. Ni courbé et ni kadalika, comme si jamais son dos était en forme d'arc. Donc le recours, il doit être, son dos, il doit être mustawiyan. Il doit être plat. Il doit être plat. Ni courbé et ni en pont. Le hadith qui nous prouve cela, le hadith d'Aïcha, radiallahu ta'ala anha, yani que le dos doit être plat. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. Cheikh Al-Imam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le hadith est rapporté par muslim. Aïcha radiallahu ta'ala anha nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en recours, il ne levait ni sa tête et ni il l'abaissait. Ni il levait sa tête et ni il l'abaissait. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, donc ceci nous prouve que si jamais ni il levait sa tête et ni il l'abaissait, c'est-à-dire que son dos, il était droit. C'est-à-dire que lorsque la tête allait entre le fait qu'elle soit levée et abaissée, ça va donner une posture au dos, qu'il sera droit. Que le dos, il sera droit. Donc voici le hadith qui prouve que le dos doit être droit dans la prière. Et ça, c'est une sunnah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a fait, mais il ne l'a pas ordonné. Il l'a fait et ne l'a pas ordonné. Et pour finir, il nous dit وَيَأْخُذْ كُلُّ عُدْوٍ مَأْخَذَهُ وَهُوَ رُكْنٌ. Donc il nous dit tous les parties de son corps, tous les os de son corps doivent prendre leur place. C'est-à-dire en recours, tu as une manière d'être, il faut qu'ils soient stables et qu'ils ont pris leur place. C'est-à-dire qu'il veut dire par là qu'il faut qu'il y ait un apaisement des membres lorsqu'ils sont en recours. Un apaisement des membres lorsqu'ils sont en recours. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants qui disent que le fait d'être apaisé, stabilisé et apaisé dans le recours, c'est une chose qui fait partie des piliers de la prière. Des piliers de la prière. C'est-à-dire que lorsqu'il se met en recours, il faut qu'il soit stable. On ressent une stabilité et un apaisement dans son recours. Ensuite, s'il veut se lever, parce que comme on va le voir, avec la parole de l'imam Abu Hanifa, il nous dit il suffit qu'il descende et remonte. Sans être apaisé, ou sans que ses membres ont pris leur place dans le recours. Un peu comme un coq. C'est-à-dire, paf, il monte, il descend, il remonte. Il dit ça suffit pour recours. Et comme on va le voir, ça c'est batil. Il prend pour argument pour cela la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou la parole du prophète Allah, la parole d'Allah azawajal, qui dit Erka'u wa studu. Ya yuha alladhina amanu, Erka'u wa studu. Il nous dit Allah nous a ordonné de faire recours, de s'incliner. Il ne nous a pas ordonné d'être apaisé lorsqu'on est incliné. Il nous dit Ibn Qadamah rahimahullah ta'ala, la ayah, c'est un argument contre Abu Hanifa et non un argument pour lui. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, il est venu pour éclaircir le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit « Thummarka hatta tatma'inna raki'an » Ensuite, incline-toi jusqu'à ce que tu sois apaisé en recours. Donc, l'acte et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils expliquent le Coran. On ne peut pas prendre juste le Coran et délaisser la sunna ou prendre la sunna et délaisser le Coran. Les deux, ils apportent une explication sur l'autre. وَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ قَالَ الشيخ الْأَلْبَانِي هِيَ سُنَّةٌ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Nous t'avons descendu sur toi, Yann Nabi sallam, الذِّكْرَ, le rappel qui est la sunna, afin que tu exposes aux gens la chose qui leur a été révélée qui est le Coran. Donc la sunna du prophète sallam, elle explique le Coran. Donc, comme l'ont évoqué certains ulama, il est excusé à Abu Hanifa parce que c'était quelqu'un qui n'était pas connu pour avoir beaucoup de hadiths, comme l'a dit Ibn Hibban. J'ai connu 100 hadiths d'Abu Hanifa, 90 de ces 100 hadiths étaient faux, il ne restait plus que 10 hadiths. Il a dit Hakala. Donc, Yanni, la vie qui est juste et prépondérante, c'est de dire, comme l'a dit la majorité des savants, que le recours, il doit avoir un apaisement. Tu dois être apaisé, pas faire le coq. Tu descends, tu remontes. Non. Comme si jamais tu avais picoré. Là. Tu dois te sentir stabilisé et d'un apaisement, car cela est un pilier. Si jamais tu le délaisses, ta prière, ou puis ton unité de prière, elle est quoi ? Elle est annulée. Car le prophète a dit Thummarka hatta tatma'ina raki'a. Et ce hadith-là, il a été évoqué dans quoi ? Dans le hadith dans lequel Nabi Sufam, il a évoqué, ou plutôt il a enseigné la prière à celui qui ne savait pas prier, comme on a pu le voir. Tous les énoncés de ce hadith-là nous prouvent que tout ce qui est évoqué, c'est un pilier. Donc le fait que le prophète il dit ça, donc ça montre que c'est un pilier. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود. Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh Mokbel rahmatullahi alayhi. Il nous dit à Nabi صلى الله عليه وسلم que invalide ou incomplète sera la prière de l'homme qui n'aura pas stabilisé son dos pendant la prière, pendant le recours, et ni dans le soujoud. C'est-à-dire qu'il n'aura pas trouvé un apaisement dans le soujoud et ni dans le recours. Donc ce hadith-là, il est authentique. Reste à savoir quelle est la mesure de l'apaisement. Est-ce que la personne doit rester 15 minutes? Est-ce que la personne doit rester 20 minutes? Quel est l'apaisement qui est obligatoire de respecter et d'observer afin qu'on dise que cette personne-là, elle a observé l'apaisement dans le recours. Maintenant, il lui est possible de se relever du recours. Ils disent, Cheikh Mohamed Ibn Hizam, Hafizahullah Ta'ala, il nous dit, l'apaisement qui doit être observé, c'est le fait que tu dises au moins une fois, Subhana Rabbi Al-A'la, Subhana Rabbi Al-Azim, plutôt. Subhana Rabbi Al-Azim. Le fait que tu as fait, que tu as dit une fois Subhana Rabbi Al-Azim avec une langue qui est présente, avec un cœur qui est présent lorsque tu dis ce dhikr, ce rappel-là, à partir de ce moment-là, il est possible à la personne de se relever du recours. Car le fait qu'il a ramené le dhikr, c'est-à-dire qu'il a écouté, ou plutôt qu'il s'est conforme à la parole du prophète qui dit « Amma fi al-ruku' fa'adhimu fihi al-rab » Quant au ruku', il immensifie Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de dire « Subhana rabbiya al-azim » C'est-à-dire au moins une fois. Si tu l'as dit au moins une fois, ceci nous prouve que tu as trouvé la stabilité et l'apaisement dans ton ruku', donc il était possible après cela de pouvoir te relever. Et sur ce, inshallah, on conclut. Et la prochaine cours, donc vendredi prochain, on continuera. Et on est la description du recours. Inch'Allah, nas'a Allah subhanahu wa ta'ala an yuyassir lana wasa'il al-ilm wa yahfadana wa iyaakum ويعيننا على طاعته سبحانه وتعالى وأن لا يجعل العلم حجة علينا بل لنا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضلني بسرعة ستجبر كيف في الأذان مزي في بوز لكيسون بطخلا Inch'Allah, ça sera, on va se contenter d'une question. S'il y a, mais il y a d'autres questions, Inch'Allah pour la semaine prochaine, ou plutôt pour vendredi prochain. Toi, tu as le participant 85. Celui qui est présidé doit suivre l'imam quand il finit de faire le takbir ou quand il a fini de se mettre en ruku'. Comme a dit le Nabi sallam, « Idha kabbara l'imam, takabbiru. » Lorsque l'imam il a dit « Allahu Akbar », faites-vous, dites-vous, kadalika, Allahu Akbar. Donc le fait qu'il a dit « Allahu Akbar », c'est pour nous dire qu'il va se déplacer vers un autre endroit. Toi, qu'est-ce que tu dois faire dans ce moment-là, c'est que tu ne dois pas précéder l'imam. L'imam, il est en face de toi, ou plutôt, si tu es derrière les rangs du premier rang, toi, prends les rangs qui sont devant toi pour suivre l'imam. Pour suivre l'imam, en espérant que les personnes qui sont devant, Inch'Allah, c'est des personnes qui suivent la sunnah. Moi, tu sais que c'est des gens de la masse, parce que des fois, ils sont un peu pressés. C'est-à-dire que toi, tu dis comme il a dit le prophète. Tu fais comme il a dit le prophète, c'est-à-dire que tu dis Allahu Akbar lorsqu'il a dit Allahu Akbar. Et pas quand il a fini de dire de faire le ruku'. Ce qu'il nous a dit, il a kabbara l'imam, fait kabbiru. Lorsque l'imam il a dit Allahu Akbar, maintenant il a dit Allahu Akbar, il est debout, il a fini de lire, il dit Allahu Akbar, ensuite il va en ruku'. Toi tu laisses finir, qui finisse Allahu Akbar, qui a fini de dire Allahu Akbar, ensuite toi, kadhalika, tu dis Allahu Akbar, et tu le suis sans le précéder. Allahu Akbar. Wa fiika barakallah, ya akhana fillah. Inch'Allah, on se contente de ça, et désolé, si jamais d'autres personnes avaient des questions. Inch'Allah, donc ils ont fait l'adhan, donc Inch'Allah, on va se préparer pour la prière. Et Inch'Allah, vendredi, mercredi prochain, comme on a dit mercredi, il y aura un cours sur le Siyam, il y aura un cours sur le Siyam, à midi et demi. Allah yahfadakum, wa yuwaffiqna wa yakum, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مع تحية دماج افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.